بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر السابقين الأولين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum et zakkahum bi hadhihi at-tazkiya al-azima radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés. Wa fi hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا سنمر كذلك من فضيلة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى les a guidés, les a choisis pour accompagner le prophète Muhammad alayhi salat wa salam. Wa afdal as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in, c'est al-khulafa al-arba'a. Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu, wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. Et à partir d'aujourd'hui, on va commencer ensemble ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد un résumé de la biographie des quatre califes, en commençant aujourd'hui par As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et comme ta'lamoun, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, c'est très très important pour le musulman. C'est eux le qudwa, c'est eux l'exemple. C'est eux qui ont compris le Coran ou le Sunnah. C'est eux qui ont secouru hadha ad-din awwalan et qui l'ont propagé. Le musulman qui veut la guider, qui veut réussir fi dunya wal akhira, il doit appliquer son din selon la compréhension de ha'oula radiyallahu ta'ala anhum. Celui qui s'écarte de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, plus il s'écarte, plus il se fera du mal. Falihada, قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضوا دي بروفيت صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أي suivez ma sunna et suivez la sunna des califs bien guidés. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم avec une tazkiya عظيمة, أي الخلفاء الأربع. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فعم كمانس aujourd'hui donc par la biographie de Abu Bakr رضي الله عنه, ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. أولا اسمه وكنيته ولقبه رضي الله عنه. On commence par son nom, sa kunya et son surnom. فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة القرشي رضي الله عنه. Donc son prénom c'est Abdullah ibn Uthman. Wa shtuhira radiyallahu an bi kunyatihi ay bi Abi Bakr. Wa rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah annahu kana tazawwaja bi imra'atin yuqala laha Umm Bakr. Et ça y est, معنا quand on citera inshallah les femmes de Abu Bakr, anna une de ses épouses elle se nommait Umm Bakr. Et Abu Bakr, comme on a dit, il était connu par sa kunya. Naam. Wa illa fa son nom c'est Abdullah ibn Uthman. Wa qala al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah. Oh naam, oh hada ba'd nakhtasir. Lian al-kalam il est assez long. On avait pensé à faire cette kalima en deux parties, lakin si on peut la faire en une partie, va afdal. Wa min alqabihi, parmi ses surnoms, Atiq. Parmi ses surnoms, radiyallahu anhu, Atiq. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات الصواب الذي عليه العلماء كافة أن عتيقا لقب له لا اسم. C'est un surnom, ce n'est pas son nom, عتيق. أما son nom تقدم معنا عبد الله بن عثمان. ولقب عتيقا لعتقه من النار. نعم, العتق c'est le fait d'être sauvé, d'être affranchi. Ils l'ont surnommé عتيقا. لماذا؟ لأن il a été préservé du feu, radiyallahu anhu. Il lui a annoncé la bonne nouvelle, annahu, il fait partie des gens du paradis. Wa an Aisha radiyallahu anha anna Abu Bakr dakhala ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala anta atiqullah min an-nar fa yawma idhin summi atiqan. Donc hada huwa ad-dalil الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله كما في الصحيح. دونك النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Abu Bakr أنت عتيق الله من النار, أي tu es celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a affranchi, il a sauvé du feu. Et depuis ce jour-là il le surnommait عتيقا رضي الله عنه. وإلا فهو il était connu plus par sa kunya Abu Bakr. كذلك من ألقابه الصديق رضي الله عنه. Parmi ses surnoms, donc le véridique. قال الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات وأجمعت الأمة على تسميته صديقا. L'unanimité de la communauté que parmi les surnoms de Abu Bakr أي الصديق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في كما في شرح مشكلة الآثار إن سبب تسمية أبي بكر الصديق بالصديق إنما هو سبقه الناس إلى تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتيانه لبيت المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة. وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إذا وقفوا عليه. نعم, هذه القصة الإمام البيهقي رحمه الله لا رابورتي في كتابه دلائل النبوة عن عائشة رضي الله عنها. أي l'histoire de quand النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الإسراء والمعراج. أي الإسراء, le voyage nocturne de مكة jusqu'à بيت المقدس القدس أي جيروزالم. ثم il a été élevé aux cieux عليه الصلاة والسلام. ثم il est redescendu, il est revenu à مكة. Tout ça la même nuit. فلما قالت عائشة لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك. أي le lendemain, après que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le voyage nocturne, les gens ils ont commencé à parler de cela. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا. Donc des gens ils sont partis voir Abu Bakr et ils l'ont informé. هلك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. Ils lui ont dit, est-ce que tu es au courant que ton ami, il visait le prophète عليه الصلاة والسلام, il prétend qu'il a voyagé cette nuit de Mecca jusqu'à Jérusalem. وتعلمون أن à cette époque il n'y avait pas les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui, donc c'était quelque chose d'étrange pour eux, d'impossible. وإلا فالله سبحانه وتعالى il est على كل شيء قدير. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أو قال ذلك. أي est-ce qu'il a vraiment dit cela؟ فقالوا نعم, ils ont dit effectivement il prétend cela. فقال رضي الله عنه لئن كان قال ذلك لقد صدق. S'il a vraiment dit cela, C'est la vérité. L'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le véridique alayhi salatu wassalam. Qalu, awa tusaddiqu annahu dhahaba al-layla ila bayt al-maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Thumma, ils ont rétorqué en disant, est-ce que tu le crois alors qu'il prétend que cette nuit, il est parti jusqu'à Jérusalem, thumma il est revenu? Qala radiyallahu anhu, na'am. إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غورة وروحة. أبو بكر il leur a dit, je le crois pour quelque chose d'encore plus énorme, et j'ai la conviction qu'il reçoit la révélation matin et soir. قال فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. C'est pour ça qu'il a été surnommé depuis ce jour-là le véridique. Cette qissa, l'imam al-Albani, rahimahullah, il l'a rendu authentique fi as-sahih. Amma mawlido, sa naissance, radiyallahu anhu, faqala as-Suyuti, rahimahullah, fi tariq al-Khulafa, wulida radiyallahu anhu, ba'd mawlid an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi sanatayn wa ashhur, fa innahu mata wa lahu 63 sana. Donc, il est né 2 ans et quelques mois après le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Donc ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus âgé qu'Abu Bakr. Pourquoi? Les anna Abu Bakr, il est mort 2 ans et quelques mois, comme on verra à la fin, inshallah. Il est mort 2 ans et quelques mois après le prophète alayhi salatu wasalam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il est mort au même âge que le prophète alayhi salatu wasalam. Ça prouve hada, vu qu'il y avait 2 ans et quelques de différence entre leurs morts, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est âgé, un peu plus âgé que Abu Bakr, il a 2 ans et quelques mois. Amma ses parents, fa ismu abi, le nom de son père, Uthman ibn Amr, wa kana yu'raf bi abi Quhafa radiyallahu anhu. C'est pour ça que Quraysh, ils appelaient souvent Abu Bakr ibn abi Quhafa, ibn abi Quhafa, et le fils de Abu Quhafa. Donc Abu Quhafa, c'est la kunya du père de Abu Bakr. Wa illa fa son nom, le répète, Uthman ibn Amir. Aslama Abu yawm al-fath. Son père, il s'est converti après la conquête de Mecca. Wa tuwfiya ba'da ibnihi Abi Bakr 'am 14 wa 'umruhu 97 sana. Et il est mort radiyallahu anhu, et son père, après la mort de Abu Bakr. Il est mort après Abu Bakr plutôt. Amma sa mère, fa ismuha Salma bint Sakhr ibn Malik wa tukna bi Umm al-Khayr. Sa mère, elle s'appelait Salma, la fille de Sakhr, et elle était connue par la kunya Umm al-Khayr. Wa qad aslamat wa hajarat radiyallahu anha. Kadhalik, sa mère, elle s'était convertie à l'islam et elle avait fait la hijra radiyallahu ta'ala anha. Amma ses épouses, fa tazawwaja بخمس, il s'est marié avec 5 femmes, radiyallahu anhu, au courant de sa vie, bien sûr. La première romane, et c'est la mère de Aïcha, radiyallahu anha. Kadhalik, il s'est marié avec Qutayla, wa qad talaqaha, radiyallahu anhu, fil jahiliya. Lakin, cette femme Qutayla, al-ulama akhtalafu, est-ce que c'était une croyante amla, wa ala kulli hal, Abu Bakr, il l'a divorcé fil jahiliya. Naam, ay ikhtalafu, est-ce que elle s'est convertie ba'd wa illa Abu Bakr, il l'a divorcé avant l'islam fil jahiliya. La troisième, Asma bint Umays. Et la quatrième, on revient à Qutayla, enfin c'était la mère de Asma. C'est pour ça que ja'a fi hadith anna Asma l'a demandé, est-ce que elle peut visiter sa mère alors que c'était une mushrika, fa alladhi yadhhar anna Qutayla, c'était pas une musulmane, wallahu a'lam. Amma sa troisième épouse, c'était Asma bint Umays. Et la quatrième, Habiba bint Kharij al-Ansariya. Et la cinquième, Bakr. Donc, haoula, c'était les femmes, les épouses de هذا الصحابي الجليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وذلك معدود من مناقبه لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. ça c'est من مناقب هذا الصحابي radiyallahu an, an Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé toute sa famille. Ses parents, c'était des croyants et ils sont morts à l'islam, walillahi alhamd. Kadhalik ses épouses et kadhalik ses enfants. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل أبي بكر الصديق كذلك ça من خصائصه أن quatre si on peut dire quatre générations c'était des compagnons أي le père le fils le petit fils et le petit petit fils فعبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر Ibn Abi Quhafa, ta'ammal Abdullah, le fils de Asma, la fille de Abu Bakr, le fils de Abu Quhafa, radiyallahu anhum ajma'in. Les quatre, c'était des compagnons. Fahaula arba'atun, sahaba mutanasilun, radiyallahu anhum ajma'in. Ces quatre, de père en fils, c'était des compagnons. Amma dukhuluhu fil islam, sa conversion à l'islam radiyallahu anhu faqala l'imam an-nawawi rahimahullah kama fi tarikh al-khulafa lil-imam lil-suyuti wa kana min ru'asa quraish fil jahiliyya wa ahlu mushawaratihim wa muhabban fihim wa a'lam lima'alimihim Abu Bakr radiyallahu anhu il était très respecté fi al-jahiliyya 'inda quraish la tribu de quraish il le respectait qala falamma ja'a al-islam أثره على ما سواه ودخل فيه أكمل دخول رضي الله تعالى عنه. لكن quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation à Mecca, Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه il est rentré directement في هذا الدين. Et il a fait beaucoup de sacrifices رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وكان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. C'était déjà l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation et avant l'islam. Wa kana ya'lam min sidqihi wa amanatihi wa husna sajiyatihi wa karam akhlaqihi ma yamna'uhu min al-kadhib 'ala al-khalq. Kayfa yakdhib 'ala Allah? Vu que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam et il savait qu'il était véridique. Il connaissait son comportement. قال ابن كثير فكيف يكذب على الله اي comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pouvait mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant que c'était un messager alors que ce n'était pas vrai alors qu'il ne mentait pas aux gens قال ولهذا بمجرد ما ذكر ان الله ارسله بادر الى تصديقه ولم يتلعثم ولا عكم اي انتظر c'est pour ça que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu quand il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation et que c'est un prophète et un messager directement il a accepté limadha li'annahu il savait qu'il était véridique pour les choses de dunya fa kayfa il va mentir et prétendre que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa an Abi Darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadhabt وقال أبو بكر صدقت وواسان بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي رواه البخاري Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait énormément Abu Bakr وسيأتي معنا الحديث أنه lui ont posé la question c'est qui que tu aimes le plus Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu Aisha son épouse رضي الله عنها ثم ils lui ont dit من الرجال il a dit أبوها son père أي الصديق رضي الله عنه Et dans ce hadith, الذي رواه الإمام البخاري, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'au départ, les gens l'ont rejeté, alors que Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a accepté directement le message. قال الإمام الكثير رحمه الله في البداية والنهاية وهذا كالنص على أنه أول من أسلم radiyallahu anhu. هذا سنص, c'est un texte clair qui montre que Abu Bakr, radiyallahu anhu, il fait partie des premiers qui ont accepté la vérité les premiers à accepter l'islam wa qala al-hafid fi al-fath wa qad ittafaqa al-jumhur ala an Abu Bakr awwal man aslama min ar-rijal na'am wa la shakka anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu c'est le premier homme à avoir embrassé l'islam et taqaddam ma'ana dans la biographie de Khadija radiyallahu anha anna la première femme c'était sa première épouse Khadija radiyallahu anha أما لمواقف في مكة et la période mécoise avant le hijra, Abu Bakr radiallahu anhu, il accompagnait déjà le prophète alayhi salatu wassalam. Bel, on peut citer un mawqif alladhi akhrajahu al-imam al-Bukhari an Urwa ibn Zubayr. Qala sa'altu عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc عبد الله بن عمرو أو plutôt عروة بن الزبير il a interrogé عبد الله بن عمرو sur la chose la plus grave que le prophète صلى الله عليه وسلم il a subi de la part des مشركين. فقال رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la salat, à côté de la, en direction bien sûr de la Kaaba, à côté de la Kaaba. Il aqbala uqbatu ibn Abi Mu'ayt, fa wada'a thawbahu fi unuqih, fa khanaqahu khanqan shadidan. À hadha al-mushrik, qui s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait la salat, et il a étranglé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec un tissu. فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أبو بكر il est intervenu et il a poussé Uqba, il l'a éloigné du prophète صلى الله عليه وسلم et il a récité ce verset. أتقتلون رجلا, est-ce que vous voulez tuer un homme parce qu'il dit ربي الله. هذا الحديث اللي في صحيح البخاري يسمون شجاعة أبي بكر الصديق. Son courage, son amour du prophète صلى الله عليه وسلم. كذلك ça montre que déjà au départ il accompagnait et il était souvent proche du prophète صلى الله عليه وسلم. أما هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, أي la période mécoise, elle a duré un peu plus de 10 ans. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالخروج من مكة. الله سبحانه وتعالى il a ordonné aux croyants de quitter Mecca. لماذا؟ لأن les croyants ils avaient du mal à appliquer leur dîn. الكفار ils leur faisaient du mal. Et pour pouvoir appliquer leur dîn, الله سبحانه وتعالى il leur a ordonné d'appliquer هذه العبادة العظيمة. أي لا هجرة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان أي المدينة فهاجر من هاجر قبل المدينة. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc il a vu en rêve la terre de al-hijra et la terre qu'ils allaient rejoindre بإذن الله عز وجل et c'était المدينة. فلي compagnons ils ont commencé à faire la hijra, à quitter Mecca. Et ils se sont dirigés vers le Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné ذلك. وَرَجَعَ عَمَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَ إِلَى الْمَدِينَ. Même les compagnons qui avaient fait la première hijra en Abyssinie, al-Habasha, ils ont quitté al-Habasha pour se rendre à al-Médine. وَتَجَهَزَ أَبُو بَكْرِ قِبَلَ الْمَدِينَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى رِسْلِكَ إِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, lui aussi, il a commencé à se préparer pour émigrer, pour quitter Mecca et se rendre à Medina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ala rislik, attends, Allah subhanahu wa ta'ala, bientôt il va me donner l'autorisation de quitter Al-Medina. Faqala Abu Bakr, wa hal tarju dhalik bi abi ant? Qala na'am. Ça c'est une bouchra azima pour Abu Bakr. Une très très bonne nouvelle. Il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit attends, qu'il allait l'accompagner, il allait accompagner le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour faire la hijra. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر. ثم Abu Bakr, il a commencé à préparer deux bêtes, qu'il avait deux montures, et ça a duré quatre mois. فقالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. عائشة, Elle a cité un jour, ils étaient chez Abu Bakr, chez son père, à l'heure du Dhuhr. فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا متقنعا أي متقنعا أي مغطيا رأسه ثم واحد informe أبو بكر que le prophète صلى الله عليه وسلم il se dirigeait vers la maison il avait le visage caché فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. أبو بكر il a su qu'il y avait quelque chose d'étrange. C'était pas normal. لأن le prophète عليه الصلاة والسلام il ne venait jamais à cette heure, l'heure de Zahira, أي l'heure du Dhuhr à peu près. Il fait très très chaud à cette heure. فقالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé l'autorisation de rentrer. Il est rentré. ثم il a dit à Abu Bakr fais sortir ceux qui sont chez toi. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال فإني قد أذن لي في الخروج. ثم le prophète صلى الله عليه وسلم il a annoncé à Abu Bakr أنه il a reçu l'autorisation de quitter Mecca et de faire la hijra. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. ثم أبو بكر il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم الصحابة أي est-ce que je vais t'accompagner, je vais être ton compagnon durant la hijra. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Il lui a dit نعم, tu vas m'accompagner. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. ثم أبو بكر il a proposé au prophète صلى الله عليه وسلم de prendre une des deux montures qu'il avait préparées. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit نعم d'accord لكن je te paye le prix. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز. ثم عائشة رضي الله عنها وهكذا أسماء la fille de أبو بكر عائشة et أسماء c'est font partie des enfants de Abu Bakr. Ils ont commencé à préparer les montures, la nourriture, etc. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه ثلاث ليال. ثم أبو بكر et le prophète صلى الله عليه وسلم ils se sont dirigés vers Jabal Thawr et ils sont restés هناك trois nuits dans cette grotte أي à côté de Mecca. قالت يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعى حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلم. نعم عبد الله كذلك le fils de Abu Bakr il passait la nuit avec eux puis Jabal Thawr dans cette montagne et la journée il retournait à Mecca. Toutes les informations qu'il entendait par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr il enregistrait tout et la nuit il se rendait auprès de son père et du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et il les informait. ثم ولله الحمد ils ont quitté Mecca et ils se sont dirigés vers le Médine. Et fi at-tariq qala radiyallahu ta'ala anhu ay Abu Bakr ils se sont réfugiés à un moment donné dans une grotte, dans une caverne. Limadha li'anna ils étaient poursuivis par Quraysh. Fa qala nadartu ila aqdam al-mushrikin ala ru'usina ونحن في الغار. Ils étaient في الغار dans cette grotte. Et Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه il a vu les pieds des mushrikins de Quraysh على رؤوسنا à côté de leur tête. أي à l'entrée de la grotte. فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam si un d'eux il se penche, il va nous voir. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Al-hadith, il est في صحيح البخاري. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bi hadhihi as-suhba. C'est le seul qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-hijra, hadhihi al-ibada al-azima. قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أثبت لأبي بكر الصحبة إلى نوم أبو بكر بقوله عز وجل لصاحبه أي لكمبانيون دو بروفيت صلى الله عليه وسلم La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Nastafid nahnu min mitla hadhihi al-fawaid wa hadhihi al-ahadith sur la sira des fawaid azima. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer à faire des efforts, ya ikhwan. Fi al-qira'a fi al-dirasa sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Fa matanan huna yun fa'ida azima. Anna si tu fais la hijra akhil karim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, comme Abu Bakr radiyallahu anhu, il a fait la hijra, et tous les compagnons radiyallahu anhum qui ont fait la hijra, va t'estafid une fa'ida azima. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il sera avec toi. Aïe, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir les portes. Anna ceux qui veulent te faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Limada li anna al-hijra, c'est une ibada azima. C'est une énorme, immense adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Karim, al-Razzaq. في هذه الآية وفي هذا في هذه في هذه القصة يد فوائد عظيمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلا نزاع. Il n'y a aucune divergence. أن le sens de ce verset et celui qui est visé par ce verset, c'était Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. فقال Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, بعد ذلك, quand ils sont arrivés à المدينة, فخرج الناس حين قدمنا المدينة وفي الطرق على البيوت من الغلمان والخدم يقولون جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand ils sont arrivés à المدينة, ils ont été accueillis par les croyants, par l'ansar, par les compagnons qui avaient déjà fait al-hijra. Et il y avait كذلك des enfants au-dessus des maisons, sur les toits des maisons. Et il disait Ja'a Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith rawah ibn Hibban fi sahihih. Wa qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu, fa mara'itu yawman qat anwar wa la ahsan min yawmin أو من يوم نعم من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. تنورت المدينة. La ville de Médine, elle s'est illuminée avec la venue du prophète صلى الله عليه وسلم et de son compagnon رضي الله عنه. فلهذا أنس قال il n'a jamais vu un jour أنور ولا أحسن meilleur et aussi illuminé que ce jour. نعم أفضل الأنبياء والمرسلين. Le meilleur des prophètes et des messagers, le meilleur des êtres humains, alayhi salatu wassalam, il est arrivé chez eux. Wa hakada, le meilleur homme après les prophètes et les messagers, as-siddiq radiyallahu anhu. Enfin, pour eux, c'était une bouchra azima. Athar Anas, akhrajahu l'imam Ahmed, fi al-musnad. Amma musharakatu, Abi Bakr as-siddiq radiyallahu anhu, fi al-ghazawat, quand ils sont arrivés à Medina, quelque temps après, ils ont commencé al-jihad avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qal ibn al-Athir, rahimahullahu ta'ala, fi usdul ghaba, lam yatakhallaf, ou lam yakhtalif, ahlu siyar, fi anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lam yatakhallaf an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi mashhadin min mashahidihi kulliha. Le Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il n'a jamais manqué une bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam. On peut citer deux exemples. Ghazwatu Badr wa Ghazwatu Uhud. Et incha'Allah ta'ala, les détails sur la hijra, les détails sur les ghazawat, les batailles du prophète alayhi salatu wassalam, etc. On les fera, on les étudiera ensemble dans la sira, dans la biographie du prophète alayhi salat wa sallam. Vous avez remarqué que fi hadhihi al-kalima, on se concentre sur les récits de Abu Bakr radiyallahu anhu khassa. Pourquoi? Parce qu'on étudie sa biographie. Amma ghazwat Badr, فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثم حمي الوطيس واستدارت راح الحرب واشتد القتال. في غزوة بدر, quand le combat il a commencé à s'intensifier, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداءه عن منكبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le combat s'est intensifié à Badr, il a continué à faire dua. Bel, il a fait dua et il levait tellement les mains, alayhi salatu wa sallam, que son rida, son vêtement qui était sur ses épaules, il est tombé. Faraddahu alayhi as-siddiq wa qala radiyallahu anhu ba'd munashadatika rabbak fa innahu munjizun lak ma wa'adak. Donc, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait beaucoup de dua et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner ce qu'il lui a promis. Yushir al-imam al-qayyum rahimahullah ila hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi qubbatin yawma badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fi qubba. Il appelle kadhalik al-arish. Dans une sorte de tente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à l'intérieur et il disait Allahumma inni anshuduk ahdak wa wa'dak Allahumma in shi'ta lam tu'bad. Ay, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le secours de ha'oula, ses croyants, les compagnons qui l'accompagnaient contre Al-Kafara. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam حسبك. فخرج وهو يقول sallallahu alayhi wa sallam سيهزم الجمع ويولون الدبر. الحديث رواه الإمام البخاري. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فهذه خصوصية للصديق radiyallahu anhu. كذلك سبوا. Comme Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, c'était le seul à accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil hijra, hakada à ce moment, c'était le seul à être avec le prophète alayhi salatu salam, ay fi al-arish, dans cette tente, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ad-du'a. Qala, haythu huwa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil arish, kama kana ma'ahu fil ghar radiyallahu anhu wa arda. Donc, hada, ça montre que Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était le compagnon qui était le plus proche du prophète alayhi salatu wasalam. Il l'accompagnait dans ce genre de situation. Et ahyanan, ils étaient que les deux, alayhi salatu wasalam, wa radiyallahu anhu siddiq. Amma ghazwatu Uhud, faqala ibn Sa'd, rahimahullah, fi at-tabaqat al-kubra, wa thabata ma'ahu sallallahu alayhi wasalam, isabatun min ashabihi, 14 rajulan. سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والسبعة من الأنصار. غزوة أحد, quand les croyants ils ont été éprouvés, et الكفار من قريش, à l'époque ils étaient sous la direction de Abu Sufyan, ils n'étaient pas encore convertis à cette époque رضي الله عنه. Quand الكفار ils ont réussi à attaquer les croyants par un côté dont ils ne s'y attendaient pas, et il y a eu des compagnons qui ont été blessés, certains d'entre eux ils ont été tués radiyallahu anhum ajma'i, quelques compagnons ils sont restés avec le prophète alayhi salatu wasalam, et parmi eux Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Falamma intahat al-ma'raka wa fashila al-mushrikun, quand la bataille elle est terminée et al-mushrikun walillahi alhamd, ils n'ont pas réussi à vaincre les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré certaines pertes. قام Abu Sufyan wa qal. Abu Sufyan, il a élevé sa voix en criant Afilqou Muhammad thalath marrat. لماذا لأن des dizaines de compagnons ils ont trouvé la mort. Abu Sufyan, il pensait que le prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam, il faisait partie des personnes décédées, des personnes tuées. Il a dit, Afilqa Muhammad, trois fois, il a crié, est-ce que Muhammad, il fait partie de Haoula, qui ont été tués? Fanahum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yujibu. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura interdit de répondre. Thumma Abu Sufyan, il a répété, قال, Afil Qawm, Ibn Abi Quhafa, thalath marrat. Thumma, il a crié trois fois, est-ce que parmi les tués, il y a Ibn Abi Quhafa, et Abu Bakr. Thumma قال, troisième fois, Afil Qawm, Ibn al-Khattab, est-ce que Omar, il fait partie des tués, thalath marrat. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. Et ils l'ont entendu, et les compagnons, ils ont entendu Abu Sufyan retourner vers Quraysh, vers ses proches, et il leur a dit Amma, les trois, ils sont morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum. فما ملك عمر نفسه. Omar, quand il a entendu cela, il n'a pas pu se retenir. فقال كذبت عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. الحديث رواه البخاري. عمر, il n'a pas pu se retenir et il a élevé sa voix كذلك, et il lui a dit, tu mens, wallah, يا عدو الله, ennemi d'Allah, tu mens. إن الذين عدت لأحياء, ceux que tu as cité, ils sont vivants, كلهم وقد بقي لك ما يسوءك, et il l'a menacé. ثم ولله الحمد كما تعلمون بعد ذلك. Après Fath Mecca, Abu Sufyan s'est devenu un compagnon, radiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Nurqiyam, rahimahullah, قال في زاد المعاد, par rapport à cette qissa, par rapport à ce récit, on peut se poser la question, pourquoi Abu Sufyan, il a cité que les trois, alors qu'il y avait des centaines de compagnons, radiyallahu anhum. Pourquoi il a cité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr et Omar, spécifiquement. قال l'Imam Nurqiyam, rahimahullah, في زاد, ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاث. لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. Abu Sufyan, il savait très bien que les trois, c'étaient les piliers de la communauté. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est les deux compagnons les plus proches du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est que c'est devenu les deux califes après lui, Abu Bakr et Omar. Et vous avez remarqué qu'il a cité Abu Bakr en premier. أما فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكثيرة. أما les mérites de Abu Bakr, ils sont énormément nombreux. On essaie de résumer quelques points. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر. L'unanimité de أهل السنة, que le meilleur des compagnons c'est Abu Bakr. أما أعداء الله الروافض, c'est pour ça que l'imam Nawawi a précisé أهل السنة وإلا ولله الحمد, فالمؤمنون كلهم يزام أبو بكر, et ils ont la conviction et la croyance que c'est le meilleur des compagnons et c'est le premier calife. لكن هناك un groupe من أعداء الله من الزنادقة, des hypocrites, des ennemis de l'islam qui détestent أبو بكر, et ils sont connus ولله الحمد عند الجميع, أي الروافض للشيط أخزهم أخزهم الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث, بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحافظ ابن كثير رحمه الله il a fait une précision, قال بل أفضل الخلق, c'est pas que le meilleur des compagnons, là c'est le meilleur être humain après les prophètes et les messagers عليهم الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. تقدم معنا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. بل من فضائله العظيمة parmi les mérites de أبو بكر أنه أسلم على يديه بفضل الله تعالى. Beaucoup de compagnons ils se sont convertis, ils sont rentrés vers l'islam, et la cause c'était أبو بكر. Il leur faisait الدعوة. بل كثير من أصحاب أو كثير من العشرة المبشرين بالجنة, بل parmi les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura annoncé qu'il rentrerait au paradis alors qu'ils étaient vivants, beaucoup d'entre eux ils sont rentrés vers l'islam, et la cause c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Ibn Ishaq rahimahullah fi as-sira qala فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف والسعد بن أبي وقاص والطلحة بن عبيد الله. هؤلاء فهم بارتيد العشرة، عثمان والزبير يا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الطلحة، فهم بارتيد العشرة. كل هؤلاء سدي مهاجرون. هؤلاء c'est les meilleurs des compagnons après les quatre califes bien sûr. Et Uthman il fait partie des quatre califes. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que Abu Bakr ou Omar, c'était Sayyida Kuhul Ahlil Jannah. Ça montre que c'était les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Al-Kuhul, c'est les hommes qui ont atteint un certain âge, la quarantaine ou la cinquantaine. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قيل من الرجال قال صلى الله عليه وسلم أبوها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé clairement, c'est qui la personne que tu aimes le plus? Il a répondu Aïcha, radiyallahu anha. Thumma, ils lui ont dit, et parmi les hommes, il a répondu son père, ay Abu Bakr. Akhrajahu al-hadith al-imam al-Tirmidhi wa sahahahu al-imam al-Albani fi sahih al-Tirmidhi. Amma karamu, amma la générosité de Abu Bakr, il y a plusieurs récits qui prouvent cela. On peut citer قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أو حديث عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. Un jour le prophète صلى الله عليه وسلم il les a encouragés à faire des sadaqat, et à donner pour les pauvres, pour ceux qui étaient dans le besoin. قال عمر فوافق ذلك مالا عندي. عمر il a informé que ça tombait bien pour lui car il avait à ce moment-là, il avait de l'argent, il avait des biens. Fakultu, et Omar il a dit, Al-yawm asbiqu Abu Bakr in sabaqtuhu yawman. Et si je dois devancer Abu Bakr dans une œuvre de bien, c'est aujourd'hui. Wa min hada nastafid une fa'ida 'azima at-tanafus fi fi'l al-khair. Et le fait de se concurrencer dans le bien. انظر هؤلاء رضي الله عنهم انهم يفزوا du bien et bien sûr c'était lillah, ils avaient cette intention lillah et ça les poussait. Et leurs frères entre eux s'encourageaient, il y avait cette concurrence saine à faire des bonnes œuvres. وهكذا نحن, on doit s'encourager, il doit avoir cette concurrence saine. Si tu vois tes frères faire du khair, bien sûr ça doit pas nous pousser à faire pour les autres. Mais quand tu vois les gens faire le khair, les gens faire du bien, des sadaqat, les hijra, le hajj, talab al-ilm, etc. Ça doit t'encourager. Et si une concurrence saine, elle s'installe avec tes frères, avec de l'amour fillahi azza wa jal, et on avance ensemble, on a un exemple dans haoula al-akhyar, nos modèles, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma abqayta li ahlik. Ou qabla dhalik, Omar il a dit فَجِئْتُ بِنِصْفْ مَالِي. J'ai apporté la moitié de ce qu'il avait comme argent. La moitié. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ. Qu'est-ce que tu as laissé pour tes proches? فَقُلْتُ مِتْلَهُ. Omar il a dit j'ai laissé la même chose. Et il a donné la moitié. فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. Abu Bakr il est venu, il a emmené tous ses biens. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك. Qu'est-ce que tu as laissé à tes proches? فقال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله. Je leur ai laissé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager عليه الصلاة والسلام. Quand Omar il a entendu cela, قال والله, il a juré, لا أسابقك إلى شيء أبدا. À partir d'aujourd'hui, je n'essaye plus de te devancer dans ce genre de choses. أما اجتهاده في العبادة, les efforts qu'il faisait dans l'adoration, ومسابقته إلى الخير, et أنه il essayait toujours de faire le bien. On peut citer حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. Le prophète صلى الله عليه وسلم مرة il les a interrogés, qui c'est parmi vous qui fait le jeûne? Est-ce que quelqu'un parmi vous jeûne? فقال أبو بكر أنا أبو بكر بلطو إلا دي موا موا جو جنو جو فقال صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة كي سي parmi vous أو est-ce que quelqu'un parmi vous a suivi une janaza أي pour enterrer un مؤمن croyant فقال أبو بكر أنا فقال صلى الله عليه وسلم فمن أطعم منكم اليوم مسكينا كي سي أو كي parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui أبو بكر إلا دي أنا موا فقال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا Est-ce que quelqu'un parmi vous a visité un malade aujourd'hui Abu Bakr il a répondu Ana. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. Ces qualités quand elles se rassemblent chez une dans une personne, il rentrera au paradis. ورعه اي sa crainte d'Allah سبحانه وتعالى. تامل هذه القصه. عائشه رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكله يأكل من خراجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له غلام il avait un jeune qui s'occupait de lui qui travaillait pour lui etc et أبو بكر رضي الله عنه أحيانا mangeait certaines choses auprès de ce jeune فجاء يوما بشيء فأكله منه أبو بكر أو فأكل منه أبو بكر Un jour, il a donné une chose, ce jeune, il a donné à Abu Bakr, radiyallahu anhu, une chose à manger. Abu Bakr, il l'a mangé. Faqala lahu al-ghulam. Après avoir mangé, al-ghulam, l'enfant, il lui a dit, Atadri ma hada, est-ce que tu sais ce que tu viens de manger? Faqala Abu Bakr ma hu. Il lui a demandé, c'est quoi? Faqala kumtu takahantu li-insan fil jahiliya wa ma ahsinu al-kahana. Illa anni khada'tuhu fa'a'tani bidhalik. L'enfant, ce jeune, il a informé Abu Bakr anna fil jahiliya avant l'islam, il a fait croire à un homme qui maîtrisait la sorcellerie alors qu'il ne la maîtrisait pas et il lui a menti que pour qu'il lui donne de l'argent. Et comme s'il allait lui faire une chose avec de la sorcellerie alors qu'il ne savait pas, il a inventé une chose et un homme il lui a donné de l'argent. Et cet argent, c'est cet argent qu'il a utilisé pour acheter cette chose que Abu Bakr il a mangé. Qala فهذا الذي أكلت منه. Il lui a dit c'est ça ce que tu viens de manger. فأدخل أبو بكر يده فقأ كل شيء في بطنه. فأدخل أبو بكر يده فقأ كل شيء في بطنه. أبو بكر quand il a entendu هذا que c'était à la base une chose de haram, il a rentré ses doigts dans sa bouche حتى il s'est fait vomir et il a tout vomi رضي الله عنه. هكذا الورع. Vous avez remarqué que Haboula al-Akhyar, ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ilman wa amala. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir. Ils ont pris la science directement de lui. Et vous avez remarqué que Haboula, ils mettaient en application. Ils apprenaient. C'est la génération qui avait le plus de science. Et Kadalik, c'est la génération qui mettait le plus en application. Vous avez remarqué Kadalik, anna Haboula, cette génération, c'est la génération qui parlait le moins. Tout ce qu'on cite l'un de Abu Bakr, c'est des faits et gestes. A'mal azim, hijra, jihad, ilm, a'mal, al-hajj, al-umra, etc. Kadalik, c'était les personnes qui s'éloignaient le plus du haram. Et on a un exemple avec cette qissa. Et d'autres, fadha'il, on n'a pas le temps d'ajouter ou illa ça prendrait tout notre dors. Enfin, on continue en citant موقف أبي بكر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Hey, lors de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, Abu Bakr رضي الله عنه il s'est distingué avec plusieurs choses. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح يعني بالعالية أي quand le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort au moment où son âme a quitté son corps عليه الصلاة والسلام أبو بكر il était pas présent فقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم tellement que c'était difficile pour eux tellement La perte, elle est inimaginable. T'as un mal, تأمل، essaie de te mettre à leur place. أنك tu vis في هذا المجتمع الطيب. بل c'est la meilleure génération, c'était le meilleur مجتمع, le meilleur, si on peut traduire par peuple, les meilleurs gens dans cette ville, Al-Madina. Et هكذا, du jour au lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il meurt. Enfin, pour eux, c'était une moussiba. بل c'est أعظم المصيبة كما أخبر النبي sallallahu alayhi wa sallam. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, quand quelqu'un subit une épreuve, il se rappelle cette épreuve, cette moussiba, cette catastrophe, la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فعمر رضي الله عنه tellement qu'il a été touché مع قوته وصلابته في الحق رضي الله عنه. Et on connaît tous la force de Omar et sa fermeté. Tellement qu'il a été touché, il a juré wallahi ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il est pas mort. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. Quand Abu Bakr il est rentré رضي الله عنه, il a enlevé le tissu qui était sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a embrassé le front. فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتَ. Thumma il a dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنه il sentait bon, vivant ou mort. ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ. Quand il a embrassé le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté un instant. Il est sorti et il a interpellé Omar. Et tu as juré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas mort. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. Donc Abu Bakr, il a pris la parole. Ce moment, cette tristesse, cette catastrophe qui a frappé la communauté. فتأملوا. نحن الآن, on vit une époque, si tu perds un proche, un ami, ton cher, un enfant, ça te touche. جداً لماذا؟ لأن c'est une personne que tu as l'habitude d'accompagner, de voir tous les jours. هؤلاء, ils ont perdu le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر, cette situation délicate, difficile, triste, il a pris la parole. عمر, il s'est assis, tellement que c'était difficile. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نصيحة نستفيد ماذا؟ On tire une énorme faïda de ce récit. أن ton frère, il peut, dans certaines situations, faiblir, être attristé. Il a akhiré. فأنت ولله الحمد, si Allah subhanahu wa ta'ala guide ton cœur, tu dois aider ton frère. Et on est des êtres humains, encore plus nous. Amma ha'oula, c'est les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers alayhim salatu wa salam. Amma nahnu, avec nos faiblesses, là chacun on peut faiblir. Si ton frère est faibli, anta intervient. Rubama bi kalima, avec une parole. Peut-être en l'aidant. Peut-être avec un sourire, peut-être avec un mawqif, en prenant position. Rubama, tu feras beaucoup de bien. Tout ça bil haqq. Tout ça avec la vérité, sans se faire submerger par sa colère, ses sentiments, il a akhiré. فأبو بكر رضي الله عنه قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Celui qui adorait le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, il est mort, il est décédé. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ثم il leur a rappelé هذا. Il n'y a aucun doute que tous les compagnons connaissaient ce verset. Tous les compagnons, ils savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il allait mourir. Lakin, une autre faïda qu'on dit, أن أحيانا, tu sais une chose, tu connais une chose, tu n'as aucun doute. Lakin, quand tu es touché par une épreuve, ça peut te faire oublier cette chose. ففي هذا الحال, on doit s'entraider, on doit se conseiller, comme il a fait Abu Bakr radiyallahu anhu. فلهذا, quand il a récité le deuxième verset, قال radiyallahu anhu, قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر رضي الله عنه, quand Abu Bakr il a récité ce verset, il a dit wallahi, c'est comme si c'est la première fois que je l'entends, alors que Omar il le connaissait. هذا ça nous montre أن الذكرى, le rappel, le conseil, l'entraide, فيها خير عظيم, il y a un énorme bien. Ne pas faire comme certains, quand ils voient leur frère faiblir ou avoir un manquement, ou encore plus grave, délaisser la vérité au péché, hein, ne pas le conseiller avec une hujja que Iblis, il propage, hein, de toute façon il sait. De toute façon il sait, s'il a fait cela, que c'est volontaire et khalas, on ne l'aide plus. Enfin, Abu Bakr radiallahu anhu, il a pris la parole et sa prise de position, elle a fait énormément de bien. Qala fa nashaja an-nas yabkun. Quand Omar il a fini, les compagnons ils se sont mis à pleurer. Limada li anna ce rappel leur a fait du bien et kadalik ils ont pris conscience anna khalas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Al hadith akhrajahu al imam al bukhari. Thumma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'enterrer le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, les compagnons directement, certains parmi eux se sont rassemblés, Al-Ansar, les habitants de Médine, certains avec certains compagnons parmi eux, Abu Bakr, Omar, ila akhiri, et bay'u Abu Bakr. Ils ont prêté allégeance à Abu Bakr. Et c'est devenu le khalifa, khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa shtam'at al-umma hawla. Et les compagnons, ils étaient unanimes. Anna Abu Bakr, c'était lui qui méritait. C'était lui qui méritait d'être le commandant des croyants, le chef des croyants, Amir al-Mu'minin, Khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, après le messager d'Allah. Qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Lamma bouya Abu Bakr radiyallahu anhu fi saqifa. Aïe. Il y a eu deux bay'a. Une bay'a khassa, une bay'a. Ils ont prêté allégeance certains compagnons dans cet endroit, As-Saqif. Ils ont prêté allégeance à Abu Bakr. Thumma, au Masjid, tout le reste, ils ont prêté allégeance. Qala wa kana al-ghad. Jalasa Abu Bakr ala al-mimbar, ala mimbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala Umar, fa takallama bayna yadayh. Le lendemain, Abu Bakr, il était sur le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de prendre la parole, Omar il a parlé. قال فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوا cette faïda. Vous vous rappelez de la veille, Omar radiallahu anhu, quand il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم il est pas mort. ثم أبو بكر il est intervenu. فتأملوا le fruit de cette nasiha. Le lendemain, Omar il prend la parole et il les conseille كذلك. Ça nous prouve qu'un jour, tu peux avoir un manquement. Alhamdulillah, une nasiha, un dua, une chose, elle te permet de te reprendre. Alhamdulillah. On ferme les yeux, walillahi alhamd. Profiter de la faiblesse, ou en parler alors que c'est fini, et le frère il s'est repris, voilà, ça ne fait pas partie des bons comportements. Abadan. Fa'umar radiallahu anhu qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé son livre. الذي به هدى الله رسوله عليه الصلاه والسلام. Et la guidée elle est toujours présente. La révélation que le prophète Mohammed عليه الصلاه والسلام il a reçu, elle est encore présente. ثم قال وان الله قد جمع امركم على خيركم. ثم il leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rassemblés autour du meilleur d'entre nous. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le compagnon du prophète عليه الصلاه والسلام. أي أبو بكر قال ثانية اثنين إذ هما في الغار فإنه أولى الناس بأموركم. أي le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, le seul qui était avec lui dans la grotte, أي pendant la هجرة. قال فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبيعوه. فعمر رضي الله تعالى عنه il leur a montré أنه c'était celui qui méritait le plus, c'était le meilleur parmi eux, et il leur a ordonné de se lever et de prêter allégeance à Abu Bakr. فَبَيْعَ النَّاسِ أَبَا بَكْرٍ بَيْعَةً عَامَّةً بَعْدَ بَيْعَةِ السَّقِيفَ. الحديث اللي في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يظهر لنا من هذا كله اجماع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه, ويظهر لنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, il a rapporté l'unanimité des compagnons. Aïe. Et que celui qui méritait Al-Khalifa, c'était Abu Bakr. Même si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désigné un calife. Aïe, après lui, en le nommant. Aïe, un tel, ça sera mon successeur. Lakin, qala, قال ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن beaucoup de hadith, beaucoup de récits, il prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute annahu, il a désigné Abu Bakr, même si ce n'est pas directement. On peut citer deux exemples. Anna Abu Bakr radiallahu anhu, c'est lui qui faisait as-salah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était malade, c'était lui l'imam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi un imam pour le remplacer. Ça montre que Abu Bakr, c'était celui qui allait succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui allait devenir le calife après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik al-hadith anna, une femme, elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette femme de repasser l'année prochaine. Enfin, cette femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin, si je ne te trouve pas, si tu n'es plus présent. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit d'aller voir Abu Bakr. Enfin, mitla hadhihi al-adilla, elle prouve que la shak anna al-khalifa, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui méritait le plus, c'était Abu Bakr. Walau kariha al-zanadiqa al-munafiqoun, al-rawafid. Même si al-shi'a akhzahumullah, ils prétendent que celui qui méritait, c'était Ali, et anna Abu Bakr, il a fait telle chose, et il l'insulte, il l'accuse. Fahaoula, c'est des kafara, des munafiqoun. الذين يطعنون في أبي بكر dans son خلافة et عمر et les compagnons qui étaient avec eux, فلا شك أنهم هؤلاء c'est pas des croyants أبدا. Et ولله الحمد, dans notre cours sur les sectes en islam, on avait résumé les croyances et la mécréance des روافض. On finit avec ما يتعلق ب après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr s'est devenu le khalifa. ثم après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, فبعض الناس بعض القبائل ارتدوا, certaines tribus, certaines personnes, ils ont délaissé l'islam عيادا بالله, et certains كذلك, ils ont refusé, امتنع قوم من دفع الزكاة الى الخليفة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه, et certains, ils ont refusé de donner الزكاة à Abu Bakr. Et il a donné au prophète alayhi salatu salam, lakin ils ont dit, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, on ne donne plus la zakat. فَقَوِيَتْ عَزِيمَةُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِقِتَالِ هَؤُلَاء. Abu Bakr, il a pris la ferme décision de les combattre. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Quand Omar, il a su que Abu Bakr, il avait l'intention de les combattre, et ceux qui refusaient de donner la zakat, قَالَ عَلَمَ تُقَاتِلُ النَّاسُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فعمر رضي الله عنه il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu veux les combattre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui prononce la shahada et qui atteste que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a akhiré, فأنه c'est bien son sang il a akhiré, ils sont sacrés, ils sont préservés. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما والله إلى جوري لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Celui qui fait la différence entre الصلاة والزكاة, il fait la الصلاة لكن il veut plus donner la زكاة, je le combattrai. قال فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فتأمل هذا الفقه, لأن البروفيت صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, أي leur sang et leur bien ils sont sacrés sauf بحق هذا الدين, حق هاتين الشهادتين, أي ça montre ce hadith que dans certains cas le gouverneur il a le droit de forcer, de combattre ceux qui essayent de diviser al-jama'a مثلاً en refusant de donner la zaka. فلهذا قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال, حق المال أي c'est le حق des biens des croyants pour d'autres qui en ont besoin. قال عمر رضي الله عنه, quand il a entendu cette fermeté et cette prise de position, قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Ça, أولا نستفيد التواضع. Quand Omar, il a entendu l'avis et l'explication de Abu Bakr du hadith, il a su que c'était la vérité, directement il a accepté. Hein, ben ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on peut avoir un avis, on peut connaître un dalil. Ta'ammalou, Omar radiyallahu anhu, il a cité un hadith du prophète alayhi salatu salam. Lakin, Abu Bakr radiyallahu anhu, avec le même hadith, il lui a montré que dans ce cas-là, c'est un danger pour la communauté. Haoulaï devait être combattu. Est-ce que Omar radiyallahu anhu, il a dit non, mais il a arrêté Abutan? Il a su que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé le cœur de Abu Bakr et directement, il a accepté. Le hadith, il est fait Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Hadha al-mawqif al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala, hadha al-mawqif, il a préservé cette communauté. Falihadha, l'imam Ali ibn al-Madini, rahmatullah alayhi, qala inna Allah ayyada hadha al-din bi rajulayn. لا ثالث لهما الله سبحانه وتعالى et dans une riwaya a'azza il a élevé cette communauté, il a préservé cette communauté avec deux hommes et la communauté de l'islam, la communauté du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام avec deux hommes. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. La biographie de l'imam Ahmed, khasatan son épreuve, wallahi alham taqaddamat ma'ana. Et kadalik, avant lui, Abu Bakr. Aïe, il a fermé la porte à Haoula, il a combattu Haoula, ça a servi de leçon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rassemblés autour de Hadha al-Amir. Hadha al-Khalifatu al-Rashid, sahib Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous accepté al-Sahaba et ils ont combattu Haoula. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le dessus. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي هذه القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض كبار أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف يخفى ذا على فلان. Et ça c'est une autre فائدة عظيمة. أن أبو بكر رضي الله عنه il a pris cette position alors que beaucoup de compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient un autre avis. Parmi eux, Omar. Et Omar, il a montré clairement. C'est pour ça qu'il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu veux les combattre alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité le hadith. Al-Hafid qal, quand Al-Haq, il est avec une personne, même si c'est qu'une, ou même s'ils sont peu nombreux, la vérité, elle est avec eux. Et on doit accepter leur avis. Et قال ولهذا لا يلتفت الى الاراء. On n'a pas le droit de délaisser un verset ou un hadith du prophète عليه الصلاه والسلام pour choisir un autre avis qui n'est pas appuyé par une preuve, même si c'est comme قال من اكابر الصحابه. لماذا؟ لان قد يخفى على un sahabi من باب اولى على un imam un hadith. لماذا؟ لان on n'est pas infaillible. Et la révélation, elle descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut être exposé à l'erreur. كذلك, قال, on répète, قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. كذلك, un hadith ou une mas'ala, un compagnon, من باب أولى, un savant, من باب أولى, autre qu'un savant après eux, il peut ne pas connaître un hadith ou une mas'ala. إلى آخره. فلهذا قال ولا يقال. On n'a pas le droit de dire كيف خفي ذا على فلان. On n'a pas le droit de dire mais si c'est la vérité, comment un tel il n'a pas su. Ou بعض الناس disent mais si c'est la vérité, pourquoi tel savant il dit le contraire. فنعوذ بالله من الضلال. نعوذ بالله من الضلال. Ça veut dire cette compréhension, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si ce savant il savait tout, comme si cet imam il ne pouvait pas être exposé à l'erreur, à l'oubli. Là, on n'a pas à se poser cette question. Pourquoi un tel n'a pas su Abatan? C'est une mauvaise question, Adallah. On doit se poser la question, Aïn al-Haq, elle est où la vérité? Et si on choisit cet avis, on doit demander pourquoi. Si c'est la vérité, on suit. Mais commence à se poser la question, pourquoi un tel n'a pas su? Tu n'en finiras pas, Abatan. Il n'a pas su pourquoi? Parce qu'il n'est pas infaillible, parce qu'il ne sait pas tout, parce que c'est une épreuve, min Allah. Allah, il t'éprouve, est-ce que tu vas suivre la vérité? Kadhalik, il n'a pas su parce que c'est un être humain. Il y a beaucoup de réponses. On n'a pas besoin de ce genre de questions. On doit faire comme Omar l'a fait. Quand il a su la vérité, il n'a pas dit « mais tu es tout seul » ou « mais un tel il dit abadan ». Il a su que c'était la vérité, il l'a suivi. Tous les compagnons, ils ont suivi. Et le fruit de cet ijtima, ils se sont réunis sur la vérité, ils ont eu le dessus sur eux, ceux qui refusaient de payer la zakat. Amma, la division, ça cause que de la faiblesse. Amma, sa mort, radiyallahu anhu. فقال الإمام النووي رحمه الله وكانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإسلام المواقف الرفيعة وختم هذه المواقف العظيمة بمهم من أحسن مناقبه وأجل فضائله avant de mourir رضي الله عنه ويذكرون أنه il a fait le ghusl مرة il s'est lavé avec de l'eau froide, et il faisait assez froid. Thumma, il est tombé malade, il a eu de la fièvre. Thumma, quelques temps après, il a succombé à sa maladie, radiyallahu anhu. Lakin, avant de mourir, il a كذلك fait un amal azim. Il a fait une chose très très importante. قال النووي رحمه الله وهو استخلافه على المسلمين عمر بن الخطاب radiyallahu anhu. Il a choisi après lui que le calife, le chef des croyants, ça sera Omar ibn al-Khattab. قال وتفرسه فيه ووصيته له. وعائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر. أي عائشة donc elle est rentrée auprès de Abu Bakr et juste avant sa mort. فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا avant de mourir. Et Abu Bakr رضي الله عنه, ça fait partie du dernier instant هذا. Il a demandé avec combien de linceul vous avez enveloppé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Hatta fi hadha al-hal, il recherchait à suivre as-sunnah. Ça nous montre que as-sunnah, ce n'est pas qu'un moment. Quand on est à l'aise, quand on a du temps, on applique as-sunnah. Quand il y a de l'argent en jeu ou une épreuve, khalas. Hadha, c'est pas min at-tawfiq abadan. Andur ha'ula. Ce moment, il pense encore à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son linceul, il était limada. Léana Abu Bakr, c'était sahib rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'était le compagnon du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit sahib rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut pas dire qu'il y a que lui, lakin il avait des choses spécifiques qu'on a citées via des kalima. C'est pour ça que même ces derniers instants, avant d'être enterré sous terre, il voulait être enveloppé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enveloppé dans plusieurs linceuls. Enfin, il a demandé à sa fille, combien ? فقالت في ثلاثة أثواب. Trois tissus. ثم قال رضي الله عنه في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quel jour il est mort le prophète عليه الصلاة والسلام ? Elle a répondu رضي الله عنها يوم الاثنين. Le lundi. فقال فأي يوم هذا. ثم il a dit on est quel jour aujourd'hui ? فقالت sa fille elle lui a répondu رضي الله عنها on est lundi. يوم الاثنين. الحديث رواه البخاري. Ibn Hibban radiyallahu rahimahullah dans son sahih qala il a ajouté un ajout important qala Abu Bakr radiyallahu anhu inni arju an amut fi famata yawm al-ithnayn 'ashiyatan wa dufina al-layl. Abu Bakr quand il a su qu'on était lundi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rappelé qu'il était mort lundi faqala il a espéré de mourir ce lundi le lundi et il est mort radiyallahu ta'ala anhu. Ça nous montre maintenant celui qui veut le khayr, celui qui aime la vérité, qui aime suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui facilite. Enzuru, hada al-imam, hada al-khalifatu rashid, hada al-sahabi al-jalil. Anna toute sa vie, il a fait des efforts pour suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité jusqu'à la fin de sa vie. Il lui a facilité. Annahu, il a été enveloppé dans trois linceuls, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort le même jour. Bel, il est mort le même âge. Falihada, l'imam muslim, il a rapporté à Mu'awiyah radiyallahu anhu, annahu qal, qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ibn thalath wa sittin sana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait 63 ans. Wa mata Abu Bakr, wa huwa ibn thalath wa sittin sana. Abu Bakr, il est mort, il avait 63 ans. Wa hakada qutila Umar, wa huwa ibn thalath wa sittin sana. Et Umar, il s'est fait tuer. Et il avait 63 ans. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فكانت خلافة الصديق سنتين وثلاثة أشهر. Le califat de Abu Bakr, il a duré 2 ans et 3 mois, رضي الله عنه. وكان عمره يوم توفي 63 سنة. Il avait 63 ans quand il est mort. تقدم. قال للسن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه وأرضاه. بل الله سبحانه وتعالى il a facilité à Abu Bakr, tellement qu'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il le suivait, il a agréé à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité, il a été enterré à côté du prophète alayhi salatu wa sallam. فَلِهَذَا قَالَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي التُّرْبَةِ. Ils ont été enterrés dans la même terre, comme ils étaient proches ensemble, enfin, ils sont proches dans la tombe. قال ابن عباس رضي الله عنه كان أي أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. Abu Bakr, c'était le seul à être, il était le seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Quand ils étaient pourchassés par le mushrikoun fil hijra, et taqaddamat, on a lu ensemble le récit. Wa thani ithnain fil arish. Kadhalik, il était le seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil arish, dans la tente, pendant la bataille de Badr, comme on l'a cité précédemment. Toujours les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Qala wa thani ithnain fil qabr. Kadhalik, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est toujours, walillahi alhamd, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité un troisième homme, un troisième sahabi, le calife, Amir al-Mu'minin, après Abu Bakr, kadhalik, il a été enterré à côté de Abu Bakr et à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et inshallah ta'ala, notre prochaine kalima, je ne sais pas encore quand, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ça sera sur Omar ibn al-Khattab al-Farouq al-Sahabi al-Jalil, et on essaiera de résumer sa sira, sa biographie, comme on a fait aujourd'hui, wallahi alhamd wal minna. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى واخذ الله سبحانه وتعالى اعداء أبي بكر وعمر وجميع الصحابة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Et parmi les références, donc البداية والنهاية والسيرة لابن هشام et d'autres livres, كذلك معاصر إلى un livre طيب في هذا سيرة العتيق, أي la biographie d'Abu Bakr al-Siddiq, فيها فوائد كثيرة ولله الحمد. Demain, Inch'Allah ta'ala, on est dimanche et on continuera notre explication, notre cours sur Riyad al-Salihin à 17h30. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.